On est là et on vous réserve plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Des invités qui viennent aujourd'hui, qui viennent vers 10h, donc pour une interview de Mister Centre-Val de Loire, qui s'appelle Benjamin Garrigues. Voilà. Donc on aura Benjamin qui viendra avec nous dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour parler de son parcours. De ce que c'est Mister France tout court aussi, oui. Mister Centre-Val de Loire et... car il a déjà participé à sa nationale et il va nous faire un retour global de son aventure, de pourquoi il s'est inscrit et d'où vient cette passion au final. Tout à fait. Et donc nous expliquer comment s'inscrire aussi s'il y en a qui veulent parmi nous. Et oui, si parmi vous, vous souhaitez vous inscrire, il va tout vous expliquer. Et je pense qu'on peut encourager Mathis aussi. Non, pas du tout. Je lui ai déjà dit qu'il faut qu'elle arrête, qu'elle abandonne le projet. Ah non, mais je pense que ça peut être une bonne chose. Donc n'hésitez pas à nous appeler pour qu'il s'inscrive en fait. Non, ça va pas. Peut-être dans 3 ans. Non. Tu peux le faire. Allez, on l'encourage. Donc aujourd'hui en musique toujours donc pour se réveiller un bon samedi matin et donc notre interview qui commencera à 10h. Bon, on commence en musique, elle se réveille tout doucement et commencez à chez vous à danser, à s'amuser ou faire le ménage, faire un manger déjà préparé. Oui, je pense que c'est le ménage le samedi matin. Non, c'est la radio. Voilà. Na boca e na boca. bruxa, pega ela e pega ela e pra quê? Pra passar batom, que cor, cor azul, na boca e na porta do céu, pega ela e pega ela e pra quê? Pra passar batom. Faz, faz, faz, faz. Bientôt 10h, bientôt l'heure de que notre invité arrive, mais c'est pas le seul invité qui sera là aujourd'hui avec nous. Et oui, il y a aussi quelqu'un d'autre qui vient, qui sera un petit peu plus caché, mais tout aussi importante pour l'interview. Bon, je lui serai aussi la parole pour qu'elle nous explique un peu son parcours si elle le souhaite. Oui, du coup ce sera une vidéaste qui viendra filmer l'interview pour faire passer l'interview en direct, en visuel, pour que vous puissiez allez voir sur les réseaux sociaux comment se passe une interview chez nous. Voilà. Et donc voir comment ça se... voir un peu les locaux déjà aussi sur les images, voir le Mister ainsi que nous. Et donc vous pourrez retrouver ça sur nos réseaux sociaux qu'il faut aller suivre, c'est impératif. Et oui, je sais pas pourquoi c'est pas déjà fait d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas encore pourquoi comment ça se passe, mais il faut que vous le fassiez. Et oui. Et donc la jeune femme, c'est une jeune femme, elle s'appelle Agathe, et elle est étudiante en audiovisuel, donc c'est une bonne façon pour elle de s'entraîner avec nous. Tout à fait, et de nous faire une magnifique vidéo. Et oui. Donc pour la retrouver, il faudra aller sur Instagram et Facebook, donc avec-vous-radio, et sur les réseaux de Radio Arc-en-Ciel, donc Radio Arc-en-Ciel. Tout simplement. C'est si facile, ça dure 3 secondes et ça permet c'est, hop, de on nous écrit, voir. Hop, on s'abonne, hop, on voit. Et c'est terminé. Et vous verrez que pas que ça, on verra plein d'autres choses qui seront mises en place. Et vous oui. pouvez suivre aussi les réseaux sociaux de chacun, donc Philippa, son compte. Maxis, son compte. Je vais en faire un autre pour qu'il soit public. Et oui. Mais voilà, en tout cas, ils arrivent dans quelques minutes et on a hâte de découvrir ça. On a très très hâte. On continue en musique, n'est-ce pas? Oui. Avec Tony Carreira, à Sonia le Conting. Passo a vida a sonhar contigo, passo a vida a pensar em ti, eu em tudo que faço contigo,

gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço. Ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a mexer. Com as mãos no ar. Da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço. Ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a mexer. Capa Negra. Capa Negra qui sera là bientôt dans les, dans la salle de Radio Arc-en-Ciel. Oui, pour la paella qu'on organise le... Ah, tu connais pas, hein, le 8 mars à 19h30. On vous attend nombreux donc pour soirée paella, dansante, soirée aussi de la femme, parce que ça sera la journée de la femme, le 8 mars, et donc soirée pour tout le monde. C'est ça. Donc, du coup, au menu, le verre de l'amitié. La planche gourmande de la paella. Je te laisse dire le dessert. Mais la planche gourmande, pas de la paella. Oui, la planche gourmande et la paella. Assez pas dire le menu. Le trio de fromage, les desserts et café et thé. Donc on vous attend à la salle Espace Arc-en-Ciel, donc 266 Faubourg Bannier, donc à Fleury-les-Aubrais. Et donc ce sera 25 euros par adhérent, 30 euros pour tout public, 10 euros pour les enfants de moins de 10 ans. Et voilà. Donc réservez vite car ce sont des places limitées et ça part comme du petit pain, on va dire. Oui. Donc pour réserver, on vous laisse appeler donc dans la semaine du lundi au vendredi, donc au 02 38 43 50 09, ou vous pouvez envoyer un mail à arc-en-ciel.iota@gmail.com. Donc dépêchez-vous d'appeler ou de réserver. On vous attend nombreux. Et oui, n'hésitez pas à venir parce que ça part très très vite. Voilà, et nous on sera là pour faire la fête. Et oui, comme d'habitude. Bon, une bonne paille là. Très bonne. Donc on vous laisse en musique avec Safira de Nain Palma de Mao. Bon là, je l'ai mal dit, mais... C'est pas grave, on te pardonne parce que la dernière, elle était plutôt bien dite. Mãos ficam no ar, agora o ritmo da canção.

Bonjour Benjamin. Bonjour. Du coup, Benjamin, donc notre Mister Centre-Val de Loire, est arrivé. Donc on va te laisser te présenter dans un premier temps. Eh ben bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Garrigue et je suis Mister France Centre-Val de Loire du coup 2024 pour cette année. Donc pour l'année 2024 et début 2025. D'accord. Et qui a participé à Mister France aussi. C'est ça, il y a deux semaines du coup pour une préparation et la finale à Mister France qui était du coup au théâtre André Malraux à Paris. C'est des sportifs. Génial, donc il pourra nous raconter ça dans quelques instants. Donc voilà, donc on va commencer bien à 10h, là on fait une petite présentation. Donc à 10h on commence sur ton vécu de avant, donc l'inscription, pourquoi tu t'es inscrit tout d'abord, comment ça s'est déroulé, et après ton passage, donc Mister France, donc national, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Donc on vous laisse en musique et on revient donc à 10h pour commencer l'interview. To go down, swing your body around.

like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Nous voilà, bon, 10h03, toujours dans le créneau avec Philippa. On est toujours à l'heure. Non, parce qu'il faut savoir qu'on a rendez-vous à 9h, on est arrivé à 9h15, mais c'est toujours nous. C'est un peu nous à chaque fois. Donc on va commencer pour l'interview de Mister Centre-Val de Loire, Benjamin. Donc est-ce que tu peux te présenter, ton métier, qu'est-ce que tu fais en amont hein? Eh bien, écoutez, rebonjour à tous. Donc, je m'appelle Benjamin Garrigue. Je suis Mister France Centre-Val de Loire, du coup, 2024. Et en dehors de ça, dans la vie, sinon, pour parler un peu de moi, je suis audioprothésiste. Donc, je travaille donc tout ce qui est appareil auditif, appareil les personnes pas que âgées, toutes les personnes qui ont des problèmes d'audition. Et je m'étais du coup inscrit à Mister France Centre-Val de Loire pour commencer donc les régionales, pour sortir un peu du coup de ce train-train quotidien que j'avais du travail que je faisais tous les jours. Voilà, je pense que t'es vraiment sorti du train-train. Clairement, là pour le coup, on a pris un virage à 90. Ça t'a sorti de ta zone de confort, hein, pour le coup. Ah bah là oui, pour le coup. Ouais. Donc toujours habillé en costume du coup, mais pas au même endroit. Et voilà, donc tout s'est passé très très vite. Après, je sais pas si vous voulez, je parle de l'élection régionale, si vous voulez. Comment ça te donnait déjà l'envie de t'inscrire en régional déjà? Mais comment t'as connu aussi le Alors, comité? J'ai connu parce que j'étais tombé sur l'ancien Mister France Charles Stamper à TPMP l'année dernière, en regardant TPMP comme beaucoup font parfois. Et je m'étais posé la question et je m'étais abonné à lui sur Instagram. Et du coup, j'avais avec l'algorithme parfois les relances, inscrivez-vous à Mister France. Et je me suis inscrit sur Instagram directement, donc qui m'a rebalancé sur le site. Et j'ai reçu un mail, j'ai été contacté par le délégué de ma région qui m'a proposé de faire les castings, qui m'a appelé, qui m'a demandé, voilà, qui m'a posé quelques questions, parce qu'il y a quand même quelques critères pour s'inscrire. Il faut avoir une taille minimale d'1m75. Okay. Et après, voilà, faut. Il y a d'autres critères particuliers Faut pas avoir fait. Il y a des choses, il ne faut pas avoir fait des choses un peu, on va dire, un peu border, mais sinon, faut pas prendre parti en politique, faut vraiment être impartial dans tout, neutre dans tout. D'accord. Une taille minimale et c'est parti. Okay. Est-ce qu'il y a un critère de poids, un critère physique à Mister? Non, il y a des élections régionales où il y a des personnes qui étaient avec tout physique, tout critère, qui se sont présentées. D'accord, donc tout le monde a sa chance. Peu importe, enfin, c'est juste une question de taille au final et de partie. Exactement, voilà, c'est pour le coup, c'est un peu comme Miss France, c'est une question de taille, après on peut s'inscrire et en fonction des castings, ils nous prennent ou ils nous prennent pas, même au régional, il faut après faire un discours, il faut avoir une cause à défendre, il faut faire un test de culture générale. Et est-ce qu'il y a un critère d'âge? Critère d'âge, c'est. Il me semble que c'est 30 ans, la trentaine, pas plus. Okay. D'accord. Bon, ça va, en vrai, c'est comme dans Miss France, il n'y a plus d'âge, je crois. Donc. Miss France, maintenant, c'est. Il n'y a plus d'âge. Ouais, je pense qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus du tout d'âge. C'était bridé avant à 25 ans et ils ont sauté la barrière maintenant. D'accord, bon, c'est bien. Et du coup, culture générale, c'était bien? Une thèse de culture générale, oui, une thèse de culture générale, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment réviser une thèse de culture générale. Mais sinon, ça s'est super bien passé. Hein. Donc, il y a eu la meilleure note à Mister France, c'était, il me semble, 16 sur 20. Ah oui. Ah, wow. Ouais. 16 sur 20. Moi, je devais être. Il me semble que j'étais à 12. Ouais. Okay. Parce qu'ils ne nous ont pas donné les notes, mais je l'ai refait parce qu'ils l'ont mis en ligne et j'ai vu du coup les points après. Donc, j'ai vu que j'avais 12. Je voulais absolument savoir. Donc. Et moi, je voulais rebondir d'abord sur l'élection Centre-Val de Loire. Du coup, en fait, c'était une élection, un casting. Enfin, c'était quoi les épreuves, on va dire, à passer? Est-ce que t'as un premier dauphin? C'est ça, exactement. J'ai un premier dauphin, un deuxième dauphin. Et je vais mettre ça. Un premier dauphin et un deuxième dauphin. Et du coup, c'était pareil qu'à la nationale, mais en plus simple. Donc défilé en boxeur avec le partenaire Impetus directement. Ensuite, un discours. Donc, il regarde comment on se déplace, comment on marche, comment on parle. Il nous pose des questions aussi ouvertes, savoir comment on répond à n'importe quel type de question. Et une scénette de théâtre à faire, c'était très drôle aussi. Oh. Avec une mise en scène. Et moi, c'était par exemple, j'arrive à un aéroport en retard et je dois parler à l'hôtesse de l'air. Donc, c'était super drôle. Ah, oh, c'est super marrant. Je m'attendais pas du tout à ça. Parce que je suis allé à la régionale, je suis allé vraiment au culot et au final, bon, ça s'est bien passé, mais. Ah bah. Oh, mais c'est je pensais génial. Pas du tout que c'était comme ça, du coup. Mais moi non plus, ça m'étonne. Et c'était dans une salle d'élection ou c'était dans un magasin ou je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a tout. Il y a des délégations qui sont plus évoluées que d'autres. Il y en a, ils font vraiment des vrais spectacles. Nous, c'était dans la région à Chartres, dans un hôtel, à guichet fermé avec les membres du comité et quelques personnes qui étaient là en plus, c'est tout. Donc il y avait un public un petit peu. Il y avait une quinzaine de personnes, mais qui faisaient tous partie plus ou moins de Mister France. Ok, d'accord. D'accord, donc on n'a pas de nous, on peut pas y aller, quoi, regardez. Non, là pour le coup, j'aurais pas pu y aller pour la régionale. Un jour peut-être, si ça prend de l'ampleur, oui, ils le feront. Ils aimeraient bien. Tu penses que cette année, il pourrait y avoir une élection un petit peu plus ouverte au public? Je pense. Après, tout dépend du nombre de personnes, de l'engagement aussi de la délégation régionale, à quel point elle se met en avant, a promu tout ça. Si elle trouve une salle et qu'il y a des gens qui prennent des billets, forcément, oui, ils le feront. Mmh. Okay. C'est vrai que c'est pas facile toute cette organisation. Ah bah, tu peux que le savoir, Philippe, du coup. Oui, c'est vrai que je peux le savoir, tout ça. Et. Parce que je dois savoir que Philippa organise son élection aussi d'un autre comité. Oui, d'accord. Je suis déléguée d'un autre comité de Miss, mais bon, ça on pourra en parler tout à l'heure. Ok, super. Non, mais c'est super, il faut. Bah oui, et c'est pour ça que je comprends que c'est compliqué en soi de faire des événements, ouais, d'évoluer. Mmh. Donc voilà. Mais moi j'avais une petite question. C'est quoi les valeurs du comité Mister France? C'est vraiment l'idéal. Alors, le comité Mister France, c'est l'idéal masculin. C'est ce qu'on doit représenter. Donc, l'idéal masculin, du coup, français. Donc, sur la manière de penser, pas que physique, hein. Manière de penser, manière de parler. Le but, c'est vraiment de montrer qu'on est plus des jeunes avec des projets et qu'on n'est pas juste un physique. Mmh. C'est okay. Ça le plus important. Belles valeurs, en vrai. De belles valeurs morales, c'est ça? Moraux. Exactement. Et du coup, pour Mister Centre-Val-de-Loire, t'as un dauphin aussi, comme Philippa disait tout à l'heure. C'est ça. Riley, qui est de... Je crois qu'il n'est pas d'Orléans, mais il est à l'université d'Orléans. Oh, d'accord. Avec tout le monde. Non, c'est parce que pour la petite histoire, j'avais contacté l'année dernière pour autre chose Mister Centre-Val-de-Loire 2023. D'accord. C'est comme ça. C'est à travers lui que j'ai connu Riley. Ok. C'était Baptiste Loire, c'est ça? Ah oui, je crois qu'il s'appelait comme ça, ouais, je sais plus. Bien. Il y a un panel de Mister et de Miss dans son compte. Elle les a tous. Je les ai tous. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs ou à ceux qui sont là pour s'inscrire? Enfin, qu'est-ce que tu leur dirais pour... Franchement, foncer, c'est une aventure de dingue. Au début, on s'en rend pas vraiment compte. Parce que on s'inscrit un peu comme ça pour les régionales et on n'en parle pas beaucoup, mais une fois qu'on va, si vous êtes pris en tant que Mister régional et que vous allez aux France, c'est vraiment une aventure de dingue. Je suis arrivé avec 29 au début, personnes que je ne connaissais pas, 29 parce qu'il y en a un qui a pas pu venir. Et mais normalement on est 30. Et je suis reparti avec 30 copains, donc 29 copains du coup. Et ça c'est super. Et du coup 29 copains dans tous les coins de France en plus. Et dans chaque région maintenant. Je me sentirai plus jamais seul en France. Bah oui, c'est ça. Si... Où tu vas, tu connais quelqu'un. Enfin, exactement. Si tu veux aller en Alsace, et bah t'as ton copain. Même à Tahiti. Hein. Même à Tahiti, wow. C'est vrai, c'est la première fois qu'il vient, non? Enfin, Tahiti, c'est pas la non, première non, non, non, non, Tahiti. Hein. Tahiti, ils étaient énormément nombreux à l'élection nationale. Hein. Il y avait énormément de personnes qui représentaient. C'était celui qui venait le plus loin. Et pourtant, c'était les plus nombreux à avoir accompagné Mister avec des pancartes et tout. Et du coup, la Guadeloupe vient vraiment de Guadeloupe. Oh, purée. Tout c'est... ça. C'est incroyable. Hein. Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Tahiti, Réunion. Il y en a qui mettaient pour la première fois un pied en France pour les Mister. Waouh, quel engagement, vraiment, c'est incroyable. Vrai, ça fait voyager. Mais du coup, vous avez voyagé, vous aussi? Non, on n'a pas voyagé. Peut-être que l'élection nationale, c'est pour ça. N'hésitez pas à vous inscrire, parce que potentiellement, peut-être que la prochaine élection nationale se fera à l'étranger. ça serait super. Wow. Ça peut vous faire un voyage, voilà, donc faut vraiment pas hésiter. Voilà, bah, il faut aller s'inscrire. Eh oui. Non, mais c'est ça, rien de me regarder, ça fait des... Juste pour la petite histoire encore, c'est que Philippa, on travaille le soir sur plein de projets qu'on a ici ou autre. Et tous les soirs, elle me dit, ah, mais inscris-toi. Arrête. Ah, tu pourrais. Mais ça coûte rien. En plus. Ça coûte rien, c'est sûr, mais. S'il vous plaît, toutes les personnes qui nous écoutent là, on encourage Mathis parce que je suis sûre qu'il a ses chances. Hein. Mais il me croit pas du tout. Elle fait que de rabâcher ça. Je serai sa première fan, sa première à l'encourager avec une pancarte. Ça sera la pub sur Arc-en-Ciel, du coup. Mais oui. Oui, c'est voter Mathis tous les week-ends. Il pourrait peut-être succéder à Benjamin, en plus. Non, mais ce ne sera pas... Moi, je te remettrai l'écharpe avec grand plaisir. Bah voilà. Bah merci en tout cas. Du coup, bah, on va finir sur cette première partie du coup de avant, et après on te laissera du coup présenter tout ce qui s'est vraiment passé, vraiment en okay. Précisément. Je vous raconterai la semaine. Voilà. Parce que du coup, c'est fait sur une semaine uniquement. C'est ça, une semaine de préparation. D'accord. Il y a un peu avant, il n'y a qu'un contrôle continu entre guillemets avant. Et après, il y a la semaine de préparation. D'accord. Tu pourras nous expliquer sur quoi vous étiez aussi noté et tout ça après la petite pub musicale. Et voilà. Ok, bon, à tout de suite, je vous expliquerai tout ça. À tout de suite. À tout de suite. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir. Et où courez-vous ? Faire de bonnes affaires. Ben où ça ? Aux établissements Marionneau. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. L'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité ? La boulangerie artisanale L'atelier Papille vous prépare chaque matin des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Bessot, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. David Santos nous a quittés trop tôt. Ses parents, Manuela et José, son épouse Paula et ses enfants souhaitent exprimer leur profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont témoigné leur soutien et leur affection lors du départ de David. Vos présences, messages, gestes de réconfort et marques de sympathie ont été d'un grand réconfort dans cette épreuve difficile. Ils vous remercient du fond du cœur. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International.

une bandida até ao chão. Joga o braço em cima, agita de alegria. Agora tô em modo gravação. Joga o braço em cima, que o sol te contagia. E deixa na bandida até ao chão. Joga o braço em cima. O meu corpo estremeceu, quase que fiquei sem ar. Algo em mim aconteceu. África, calor que zomba, como miúda fiquei. Eu já estou a ficar louca, acho que me apaixonei. Amor de chocolate, não é? Nunca vi nada igual. Moreno, és tão lindo, és meu fruto tropical. Amor de chocolate, não é? Nem compromisso, mas esta noite vou fazer nada. coup, on va parler de la deuxième partie, donc de Mister National, si c'est bien ça. Exactement, Mister France, élection nationale, pas régionale. Voilà. Et du coup, comment ça s'est passé? Le tout début. Alors, on est du coup après élection régionale directement sélectionné une fois qu'on est élu pour aller à Paris pendant du coup 8 jours de préparation. D'accord. Où on est noté sur comment on est, comment on parle, comment. Voilà, on est un peu noté sur tout, on est un peu surveillé par tout le monde à partir du moment où on pose le pied à Paris. On a l'écharpe qui est greffée à notre cou du matin jusqu'au soir, dès qu'on sort, dès qu'on bouge. Et donc, même principe, thèse de culture générale dès notre arrivée. Il me semble que c'était le jour même, l'après-midi. Bonjour. C'est ça. Une dissertation sur notre cause. Ah, waouh. Ok. Donc, on avait 40 ou 45 minutes pour faire une introduction, développement, conclusion de notre cause. C'est quoi ta cause? C'était aider les aidants. Donc, toutes les personnes qui sont non professionnelles de santé au quotidien et qui aident un proche ou un membre de la famille en situation de handicap ou avec un manque de mobilité. Et ça prend énormément de temps aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont prises par ça. Et en tant qu'audioprothésiste, en fait, j'en côtoie beaucoup au quotidien. Des personnes qui accompagnent leurs parents ou leurs grands-parents. Et je vois bien que ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, il existe des aides pour les personnes qui sont aidants. Car il y a beaucoup de personnes, bon, après je pourrais développer un peu plus si vous voulez, mais en règle générale, un aidant aide à peu près une vingtaine d'heures par jour, une vingtaine d'heures par semaine, du coup la personne qui l'aide, c'est énorme, c'est un peu comme un mi-temps professionnel, sauf que ils sont pas professionnels ces gens-là. Et c'est un vrai métier, aider les personnes en situation d'handicap ou avec manque de mobilité, donc il faut vraiment les mettre en avant. Et j'étais tombé sur une vidéo de Brigitte Macron et de Florent Thauvin d'ailleurs, qui est de la région, qui était parti voir une association, l'association A3 à Marseille pour les aidants, donc qui est les aides aux aidants, qui soutiennent les personnes, qui les forment, et j'avais trouvé ça très touchant et du coup je voulais vraiment mettre en avant. Ok, c'est très beau, très belle allure en tout cas. C'est vrai que c'est une très belle cause. Merci. Et j'avais une petite question, est-ce que par exemple t'as dû mettre des choses en place pour pouvoir faire ta cause, qu'est-ce que t'as fait pour mettre en place? Il y a pas. Moi, j'ai contacté l'association pour entrer en contact avec eux et en parler pendant, par exemple, la journée de présélection. On est en guichet fermé avec le comité où il y avait d'ailleurs Miss Île-de-France 2023 qui était présente. Il y avait un avocat du barreau, le président, sa femme, l'ancien Mister France et après des personnes aussi de la com qui faisaient partie de la com, une dame qui était de l'agence de communication, Legal Agency aussi, et ils étaient tous là du coup pour nous noter. Et là ils nous posaient des questions un peu plus approfondies parce que le jour de l'élection on a notre discours mais c'est 45 secondes et il faut éviter de trop parler de la cause, il faut plus parler de soi. Ok. Ah oui, c'est pas comme le jeu. Pardon. C'est pas comme on croyait nous. Oui, non, c'est vrai que c'est bien parce qu'on découvre vraiment parce que c'est, parce que du coup vous avez que 45 secondes, vous devez faire plein de choses avant, parce que au final c'est pas le prime qui compte, c'est vraiment aussi, enfin il y a le prime, il y a aussi l'avant du coup. Mais exactement, c'est-à-dire qu'on a comme un espèce de contrôle continu avant de partir à l'élection nationale. Donc on doit mettre des posts, des stories avec les partenaires qui soutiennent du coup l'élection et on est noté sur tout ça. Donc on a des points aussi sur ça. Donc sur notre rigueur. Et du coup, les partenaires, ils consistent à quoi pour vous? Alors, les partenaires, c'est ceux qui soutiennent financièrement le comité, comme Impetus, Mansbirn. Et du coup, forcément, on doit, si on met une photo, par exemple, avec Impetus, on doit les taguer. Pareil, taguer l'agence de communication qui travaille avec le comité, pour montrer qu'on on joue le jeu, quoi, à 100%. Ok. Et du coup, quelles ont été les étapes après cette entrée en... forte avec le thèse de culture G, la dissertation. Alors après ça, c'était directement le lendemain, on a eu une journée sportive pour voir un peu notre cohésion dans le froid. Il faisait extrêmement froid le matin. Surtout que j'avais regardé l'année dernière, ils étaient dans un gymnase, donc j'avais prévu un short, un t-shirt. Et là, ils nous disent qu'on part dans un parc. Il faisait 0 degré. Ah non, on n'en pouvait plus. On était au bout de notre vie. Donc, on a beaucoup couru, du coup, pour se réchauffer. Et c'est un peu pour voir l'esprit de cohésion. Après, on est parti à quoi? Boulevard. Tous les soirs, on allait manger dans différents endroits, des restaurants tous les soirs pour pareil, pour apprendre à se connaître, être tous ensemble. Et après, on est noté un peu sur tout. On a eu une journée de, un peu un temps libre le jeudi matin. et le mercredi aussi après les vraies élections. Moi, je passais dans les premiers le mercredi matin, donc après on avait la matinée de libre pour faire ce qu'on voulait, mais sinon c'était très voilà, mercredi présélection, le mardi journée sportive, et après sinon c'était beaucoup de déplacements sur Paris, à droite, à gauche. Et c'est quoi la présélection, enfin ça se passe comment? Présélection, c'est pour établir le top 15 comme Miss France. Voilà. Et vous faites quoi du coup? On doit pour la présélection se présenter, défiler, ils nous regardent. Donc on doit aller en costume, ensuite on doit y aller en boxeur, et on doit parler aussi de notre cause, de qui on est, pourquoi on est là, ils nous posent des questions ouvertes. Donc moi j'avais eu Miss Île-de-France qui m'avait posé comme question, qu'est-ce qui ferait de toi un bon Mister France? Et on doit répondre, et ils regardent aussi comment on est. On a une boîte aussi avec des questions ouvertes sur n'importe quoi. Moi c'était, est-ce qu'on peut apprendre d'une personne plus âgée que soi? Oui, c'est pas c'est des bonnes questions. Oui, c'est des bonnes questions. Ça permet de voir comment tu penses, quoi. Il y en a eu qui ont des questions. Il y en a qui ont eu des questions très difficiles. Il y avait des questions, par exemple, sur des moments politiques forts de la France, pour voir si les personnes prenaient parti ou pas. C'est des questions pièges, quoi. Exactement. Alors qu'on doit être complètement neutre. Et par exemple, quand tu parles de politique, imaginons, c'est quelqu'un qui ne s'est pas vraiment intéressé à la politique, comment elle pourrait répondre à quelque chose qu'elle ne sait pas? Est-ce qu'elle dit je ne sais pas, ou est-ce qu'elle dit... Elle peut s'abstenir, dire directement je préfère pas en parler. Ah, c'est possible, ça. Ne pas répondre à une question, c'est pas zéro. C'est ça, exactement. Okay. On est vraiment une image, on n'est pas là pour prendre parti pour qui que ce soit. On a nos valeurs personnelles à nous, mais après ce qu'on pense. Mais vraiment, Mister France, c'est quelque chose de neutre complètement. Voilà, c'est vraiment surtout. Oui, donc c'est vraiment bien prendre en compte les questions qui sont posées et bien réfléchir avant de répondre. Ouais, exactement. Ok, d'accord. C'est intéressant, hein, parce que je pensais pas à tout ça derrière. Du coup, c'est hyper intéressant à savoir. Et les chorégraphies aussi, d'ailleurs, pour terminer, on a révisé les chorégraphies tous les jours. Donc on était au Studio Bleu à Paris pour faire ça, et c'était très très dur toute la journée. Ça, c'était assez éprouvant, parce que répéter les pas, les synchros, etc. C'est vrai que je parle. Vous en avez combien des chorégraphies en tout? On avait 5 tableaux à faire. Donc c'est 5 chorés. Ouais, on en a 8, hein. Oui, enfin, c'est pas pareil, d'accord. C'est plus... En gros, c'est que... on m'a pas dit, mais c'est que Philippa me demande de faire des chorégraphies pour l'aider. Ok. Sauf que c'est très compliqué, moi, en tant qu'homme, de me mettre dans des positions qui font que ce soit gracieux et féminin. D'accord, ouais, c'est facile. Je l'aide très bien pour des chorégraphies, mais alors, qu'est-ce que c'est compliqué, le temps, le tempo. Ouais, ça c'est... On a eu du mal. Moi, j'étais pas le meilleur, hein. Franchement, pour ça, je me suis engueulé pas mal de fois. C'était Benjamin, ça, je vois. Attends, là, t'es une seconde en retard. Et du coup, c'est quoi le tableau le plus compliqué pour toi? Le tableau plus... En fait, c'est pas... Ils sont tous simples. C'est le fait de tout apprendre en 4 jours. Okay. Donc, on a 4 jours pour tout apprendre. Et on est 30. Enfin, 29, du coup. Mais c'était fait pour 30. Et c'est compliqué parce que le cerveau, il sature. Okay. On confond les chorégraphies. D'un coup, on part à droite alors qu'on devait partir à gauche. Enfin... Je suppose que du coup, avec le stress, la dernière répétition, elle a dû être un peu compliquée, je pense. Ouais, jusqu'au jour même, quand on était dans le théâtre, quand on révisait, même l'ancien Mister France a pris le micro et nous a dit, les gars, là, vous êtes vraiment pas sortis de l'auberge. Nous, l'année dernière, à ce moment-là, on était déjà calés, vous y arrivez toujours pas. Et au final, on a vraiment géré, il n'y a pas eu de soucis. Mais oui, je pense, c'est surtout au final, c'est de répéter, s'acharner et pas laisser le naturel. Au final, quand vous montez sur scène, il y a un vide qui s'installe et hop, on y va. Quoi. Alors on est à fond, c'est le corps qui bouge. Mais ça, oui, il n'y a plus de fatigue, plus rien de la semaine. Il y a l'adrénaline qui monte. C'est tellement fort qu'il faut qu'il y aille. Là, voilà, on ne réfléchit plus. Après, il y a la retombée le lendemain ou même le soir, hein, quand on rentre. Mais là, après, sur la scène, il n'y a plus de fatigue. Il y a 1000 personnes en face qui crient, qui a de l'ambiance. Hein, donc, t'as pas le choix de tout défoncer. Ouais, voilà, c'est clair. Et vous avez eu quoi comme différents passages c'est-à-dire, et je veux dire par rapport aux tenues, différents passages. Par exemple, vous avez eu un passage maillot de bain, un passage tenue de ville. On a eu un passage maillot de bain, un passage un peu fun. Où il y avait, on était séparés en deux groupes, Martinique et Brésil, avec des musiques. On avait des danseuses avec nous qui étaient là et qui nous ont bien aidés d'ailleurs. Heureusement qu'elles étaient là. Et donc moi, c'était Martinique. Et après, il y avait donc on commence en marin. Mmh. Donc c'était un thème sur la mer, donc habillé en marin. Ensuite, c'était discours Martinique, discours des 15 premiers. Ensuite, Brésil, Martinique, caleçon, donc avec la marque, le partenaire Impetus, du coup, aussi, donc c'est comme un défilé pour Impetus. Et après, directement, on part sur les costumes pour finir. Et t'as été dans le top 15 ou pas? Dans le top 15? Mmh. Non, parce que j'ai perdu des points, du coup, sur le contrôle continu avant d'aller à l'élection Mister France. Donc c'est pour ça. Donc j'ai perdu 5 points, ce qui est énorme. Donc, oui. Voilà. Donc, j'étais... Parce que nous on le sait, mais quel a été le résultat du coup de ce concours pour toi? De ce concours? Pour moi? Oui. Il me semble que j'étais. C'est le président, c'est le Mister France actuel qui me l'avait dit, mais que je devais être 16e, quelque chose comme ça. Ah oui, donc ils m'ont mis juste derrière le top 15 à cause des 5 points. Oui, donc c'est ce qu'on disait avec la fille pas la dernière fois, c'est que les places pour moi qui sont le plus compliquées, c'est le 16e, parce que bah pour les Miss en France en tout cas, elles sont directement t'as ça de passer ou donc la première dauphine. Pour moi, je crois que c'est pas la place la plus simple. Oui, c'est vrai. Que... Parce après, que t'as c'est... l'espoir et puis ça se joue à pas grand chose. Hein. Après, c'est vrai que pour le coup, dès que je suis arrivé, de toute façon, quand j'ai appris que sur le contrôle continu, j'avais loupé, fallait taguer ceux qui les partenaires, j'avais oublié. Donc j'avais perdu 5 points bêtement, je savais que je partais avec un train de retard quoi qu'il arrive. Donc de toute façon, j'ai vécu l'expérience pour le base, hein, changer un peu de mon train quotidien et c'était super. Donc le but recherché principal a été respecté pour l'instant. Voilà. Bon bah tant mieux si t'as pu au moins avoir cet objectif d'atteint. Et en fait moi j'avais une question, c'est par rapport au passage, c'est lequel que t'appréhendais le plus, enfin est-ce qu'il y en a un que t'appréhendais plus qu'un autre ou pas? En passage au niveau des tableaux? Ouais. C'était celui en costume, le tout dernier. Parce que c'est vrai qu'après, c'est le dernier. Et je me souviens que je me suis dit, là, faut pas se rater. C'est souvent en dernier, à la fin, avec la fatigue, qu'on se rate. Et donc, ça s'est bien passé aussi. D'accord. Mmh. Bah, parfait. Hein. Alors, si ça s'est bien passé pour toi, bah, tant mieux. Hein. Après... Non, moi, j'ai kiffé l'expérience à fond. J'ai vraiment vécu ça... À 100%. À 100%, ouais, pour le coup. Non, c'était vraiment top. Donc. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous apporter sur ce concours? Des choses qu'on ne sait pas extérieurement? Qu'est-ce que je pourrais apporter, mis à part que c'est une aventure qui sort vraiment de l'ordinaire. On se balade à Paris avec l'écharpe tout le temps, tout le monde s'arrête, on rentre dans les restaurants, les gens applaudissent, ils crient. Ah, wow. C'est super drôle. C'est incroyable. Donc, mais sinon, à part ça, non, après, je pense que, de toute façon, on finit pas tout le soirée, mais comment ça se finit l'élection de près, je pense que si j'avais loupé quelque chose. Ouais, bah, elle est précise, elle connaît tout. Elle me pose des questions, mais elle connaît les réponses. Ouais. Voilà, non, mais vraiment, c'est. Je connais les réponses, mais les gens qui nous écoutent, ils le savent pas, c'est pour ça. Mais c'est très bien d'avoir eu. Comme ça, moi, je pose toutes les questions que vous savez en interne et que. Oui, c'est sûr. Par contre, ça, je sais. Enfin, là, j'ai une question qui me vient, mais par contre, wow. Ça, je ne connais pas la réponse. Hein. C'est. Quelle a été ta meilleure rencontre selon toi, enfin, celui où bah, t'as eu le plus d'accroche? Une personne à qui j'ai accroché, il y avait Mister Languedoc. Parce qu'on avait en fait quelqu'un en commun déjà avant l'élection qu'on connaissait ensemble. Donc dès qu'on est arrivé, on dit ah voilà, tu connais telle personne. Et après je sais qu'il y a Mister Pays Basque à qui j'étais beaucoup et Mister aussi que j'ai bien apprécié, Mister Ronalp qui était lui Mister France. Qui est venu sur Orléans le week-end dernier d'ailleurs. Donc pour du coup le récupérer, enfin prendre en mesure pour ses futurs costumes, parce que le partenaire du coup Miss France maintenant en costume, il est d'Orléans. Ouais. Voilà, c'est l'atelier 5 et la petite ville de Orléans, comment ça exactement donc qui est vraiment top, qui vont l'accompagner du coup pendant tout le, et c'est vraiment des dons, hein. Ce que fait, il n'y a pas de rémunération derrière quoi que ce soit, donc c'est l'atelier 5 qui a vraiment proposé d'accompagner Mister France en costume sur mesure pendant toute l'année. Carrément. Ouais. Mais à la victoire, j'ai une question, parce que Miss France a sa couronne et son écharpe. Vous n'avez que l'écharpe Mister France. C'est ça, on n'a que l'écharpe Mister France, on n'a pas de couronne. Oui, oui, mais je suis peut-être qu'ils m'ont donné une montre. Si, si, il y avait une montre aussi offerte, donc par Chronostic et d'Orléans aussi d'ailleurs. Okay. Donc Olivier Guidon qui a offert une montre au gagnant Mister France. Oh, donc Orléans, en fait, ce sont les donateurs de cadeaux pour Mister France. Ah, Orléans, il y a des bons partenaires. Il y a des bons partenaires. Alors qu'on dirait, on croirait pas comme ça, mais en fin de compte, Orléans. Orléans, on est sympa quand même. Hein. Ah non, non, non, bah, on espère faire monter ça. Ça va prendre de l'ampleur, Orléans, avec les Misters. Il n'y a pas de raison qu'ils veulent le développer, surtout avec les partenaires qu'il y a. Voilà, pour les garder à l'avenir, ça serait super. Ah bah oui, il faut les préserver. Surtout, c'est avantageux pour vous et aussi pour eux, je pense. Hein. Ah bah c'est sûr, parce que là, dès que, par exemple, Mathieu, potentiellement, il pourrait aller faire le Festival de Cannes, comme Charles l'année dernière. Donc c'est sûr que si on a une boutique de costumes sur mesure, avoir un costume sur mesure, le sien, au Festival de Cannes, c'est super. Ah oui. Avoir un beau costume qui est vraiment fait pour son corps, c'est parfait. Hein. Ah, j'imagine la photo déjà dans l'atelier 5 avec Mathieu en disant, bah voilà, Mathieu est officiel de Cannes avec mes costumes. Mais même au-delà de ça, c'est quand même vraiment sympa. Toutes les photos qui sont faites sur l'année avec des photographes connus, donc que ce soit les montres, les caleçons, les costumes, c'est vraiment une bonne pub pour eux aussi. Ok, moi c'est très bien. Et toi, est-ce que tu penses que tu continueras à faire des shootings photos en dehors de Mister Sandal de Loire ou pas? Je pense, j'ai rencontré beaucoup de personnes très intéressantes, des photographes, des vidéastes, que ce soit dans le monde du sport ou même autre. On m'a proposé de faire des photos, des vidéos, de me focaliser un peu plus sur le sport. Je pense que à l'avenir, oui, faire un peu plus de contenu. J'étais pas du tout contenu au début réseaux sociaux, mais quand on est bien accompagné et avec des personnes qui nous poussent à faire des choses de qualité, c'est intéressant quand même. Parce que du coup, est-ce que au moment où il y a eu l'élection et tout, t'as eu une vague de pics dans tes abonnements ou autre ou... Un petit peu. Quand on est passé à, je sais que quand on est passé à TPMP dans la semaine, quand ils nous ont passé nos photos sur Instagram, je devais être à 500, 600 000 vues de profil. Dans la soirée. Bon. Donc, dedans, il y a Philippe, hein, qui a regardé 3 fois. Hein. Donc, je fais ça. Compté 10 fois. Vous voyez, par exemple, le Mister France, là, Mathieu, on regardait le week-end dernier, il avait 1,3, 1,4 million de vues de profil. Ah ouais. Quand on était en train de boire un verre à Orléans. Et lui, ça s'arrêtait pas. Bah, après, TPMP, c'était encore pire. Mais sinon, c'est surtout quand les photos sortent au début, les premières photos sortent sur le compte Mister France, ouais, on prend beaucoup d'abonnés d'un coup, ouais. Ça fait bizarre. Parce que ça intéresse, on est curieux de voir qui représente la région aussi. Bah, c'est ça, quand ils avaient sorti une photo de moi ou qui a fait plus de 3000 likes, j'ai enlevé mon téléphone, les notifications, j'étais en vacances. J'en avais marre, ça buguait. Ça sonnait tout le temps, oh purée. Non, mais oui. C'est pas facile d'être populaire hein, aussi, il faut se dire ça. Hein. Moi je pourrais pas, parce que c'est pas vraiment une popularité à l'instant T. Les gens s'intéressent, après ils s'intéresseront plus, mais être tout ce qui est ceux qui sont des stars et tout, ça va être compliqué parfois à gérer. Okay. C'est sûr. Même Mister France, hein, c'est pas facile. Ah bah ça. Oui, il doit recevoir des messages et puis trier entre les demandes de collaboration ou d'autres messages, je pense que ça peut être compliqué aussi pour lui. Non, c'est bon, après c'est dans le lot, hein, c'est dans le package. Oui, il va pas se plaindre quand même. Oui, voilà, je le sais. Il savait déjà d'avant, je crois. Mathieu est content, je pense. Ah bah oui, je pense que. Surtout que cette année, je trouve que. Bah, l'année dernière, je connaissais même pas Mister France, je savais même pas que ça existait en vrai. Parce que je disais ça souvent pour rigoler, mais en vrai, ça existe vraiment depuis, je sais même pas combien de temps ça. Ça existe depuis très longtemps, quand même. Très très longtemps, ah ouais. Mais c'est que le comité était pas connu avant. C'est même passé à la télé en 2002. Il y a très longtemps. Ah oui, une fois, ouais. Mais ça a été racheté, du coup, là, il y a 3 ans, et ça fait 3 ans que le nouveau président. Il a récupéré le compte Instagram, il y avait 300 abonnés, il y en a presque 60 000. Ah oui. Donc, ça prend. Vraiment en train d'essayer de remonter ça. Mais en tout cas, c'était, on a pu voir ça dans les TikTok la plupart du temps. Et pour toi, le TikTok que vous avez fait, que je disais tout à l'heure, sur les jeux que vous avez fait, c'était. On n'avait plus du titre déjà. C'est qui le plus. Je passe le téléphone à. Ah oui, voilà, c'est ça. Passe le téléphone à. Ouais. Et comme disait, bon, on l'entend pas aujourd'hui, mais elle est en train de filmer. Du coup, toute cette interview que vous pourrez retrouver sur le réseau, qu'on dira tout à l'heure. Mais je crois, toi, pour toi, c'était le plus baraqué ou un truc comme ça. Le plus massif, on a dit. Ouais, voilà. C'était limite un peu. On m'a dit que j'étais trop musclé à un moment pour Mister Fond. Donc c'est pas une compétition de bodybuilding. Bon, je suis pas bodybuilder, mais voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que je vais à la salle de sport. J'essaie de faire attention. Et ils recherchent pas non plus quelqu'un de trop musclé. C'est pas, on va dire, pas de cliché, quoi. Il faut être fit, passe-partout. Voilà. Ok. Mais t'es le svelte du groupe, quoi, ce qu'on a compris ici, quoi, en tout cas. Ouais, c'est ça, j'étais pas le plus fin, quoi. Voilà. Alors, j'avais une question, du coup, d'une auditrice qui a appelé, qui te demandait comment ça s'est passé pour ta famille, comment ils ont ressenti l'événement et le moment. Ah bah, c'est super drôle parce que, du coup, moi, j'en ai parlé à personne. Ah je oui. suis parti faire l'élection régionale, donc voilà, comme ça, sur un coup de tête. Je me suis dit, why not? Un dimanche, c'est parti. Et en fait, une fois que j'ai été élu et qu'ils ont commencé à poster les photos sur les comptes officiels des ministères de chaque région pour la finale, etc., c'est ma famille qui est venue m'en parler en me disant, mais au fait, on m'a dit que tu étais inscrit à Mister Centre-Val de Loire, enfin, que tu avais fait Mister France Centre-Val de Loire, que tu es passé du tout à Mister France. Et mon père, lui, est professeur à la faculté d'Orléans. Mm-hmm. Tous les étudiants sont venus lui dire, donc c'est comme ça qu'il l'a appris. Ah oui. Il m'a dit, mais je sais pas de quoi vous parlez. Et au final. C'est faux, c'est ça. Même ma famille, d'autres, qui habite à d'autres endroits en France, qui ont envoyé des photos à mes parents. Mais c'est Benjamin, mais c'est. Donc c'était. J'avais dit à personne au début, donc il n'y avait que ma mère qui voulait venir à l'élection. Et au final, mon père est venu aussi à l'élection, et voilà, avec des amis, donc tout le monde est venu. T'encourager, te supporter. Exactement. Ok. En tout cas, c'est une très belle expérience que tu as vécue, je pense. Mais bon, ouais. Mais ils m'ont soutenu à 200%, ma famille. Voilà, donc, bah, au final. Je pense que les familles sont encore plus encourageantes dans ces moments-là que, que personne. Des fois, ils sont encore plus pressés que nous. Ils nous boostent à fond. Si on gagne pas, tu rentres pas à la maison. Ils sont plus tristes que nous, parfois. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui étaient plus tristes que moi à l'élection. Ouais, j'imagine bien. Ils devaient dire, oh, c'est dommage. Et toi, j'ai dit, mais non, c'était trop bien. Mais c'est sûr. C'est sûr, parce que ça fait toujours une expérience, même s'il y a pas la victoire, ça fait toujours une excellente expérience. Et t'en ressors que. Avec un plus, quoi. Ah oui, non, mais franchement, c'est un truc de fou. Faut vraiment pas hésiter. S'il y en a qui hésitent à le faire, si vous faites plus d'1m75, voilà, si, même si vous n'avez pas forcément confiance en vous, allez-y, foncez, c'est top. D'accord. N'est-ce pas? Non, mais il y a que ça. Je le regarde en mode, vas-y, Mathis. En tout cas, si jamais vous voulez appeler pour poser d'autres questions à notre Mister, eh ben, n'hésitez pas à appeler au 02 38. 43, 48. 0, 0. Ça, je voulais te dire si tu disais le bon numéro ou pas le bon numéro, parce que tu te trompes tout le temps. Mais... C'est bon, j'ai dit le bon numéro. Mais oui, si vous avez des questions à poser, comme ta maman qui nous a posé une question, n'hésitez pas à appeler ou envoyer sur nos réseaux sociaux, donc radio, non, c'est avec-vous-radio. Donc à nous poser des questions ou appeler directement et poser des questions directement à Benjamin si vous en avez plusieurs. On peut même mettre en direct si vous voulez. Voilà, donc tout en. Donc voilà. Et après, on fera un petit jeu que je fais tout le temps avec mes invités. C'est un top 3 de musique qui correspond à toi. D'accord, oula. Bah oui, en fait, on va avoir le temps de réfléchir. On va avoir le temps de réfléchir, pas le temps. Mais je vais te demander trois. Bah, je vais te dire déjà, comme ça, tu pourras peut-être déjà réfléchir. Mmh. C'est une musique d'été que je demande tout le temps, une musique typique de ton été que tu écoutes tout le temps. Ok. Une musique qui te correspond actuellement et la musique de ton choix que tu veux faire découvrir. D'accord, ok. Donc voilà, okay, super. Donc je te laisse le temps pour l'instant que les gens nous écrivent, nous appellent pour poser des questions. On va faire ça. Voilà. En tout cas, merci pour nous avoir expliqué qu'est-ce que t'es, Mister France. Ouais, avec grand plaisir. Oui, avec merci, plaisir. C'était super enrichissant. Voilà. Bon, on continue en musique avec Laurine.

esa nalga solo pa' mí. Una vaina crazy, soy así. Déjame aprender, baby, teach me. Y sigue ahí. Suela, como se baila en la favela, real nunca telenovela, Ferrari juguetes que vuelan, siempre caliente nunca frío, como carnavales de río, diamantes dan escalofrío, arroba J Balvin, dale click al bio. Ave María, pa' este calor, tienes agua fría, soy testigo de tu grosería, lo malo de ti es que no eres mía, refrescame como cerveza fría, de más probable tu heladería, hoy vamos a hacer lo que antes no quería, pa' allá downtown es que yo bajaría.

Que queres

Shade luchamos al bronce y a tira para encima o a vos. No vamos a dejar que acaben con la nuestra fe, no amor. Até o dia que os nossos olhos se cruzaram, eu duvidei. E agora eu posso falar. Mas tens no meu peito o tempo para. Nesse instante no quadrante trago as nuvens aos teus pés. Teus pés, o teu sorriso lindo. Eu vejo o infinito, meu amor. E se Deus quiser, vamos ficar até o fim. Quero Look at fiquei calado, só desejo te encontrar. Mas quando tu vens ter comigo, a vida tem logo outra cor. A noite transforma-se em dia, é uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa, aí o mundo para com o nosso amor. On va continuer avec une dédicace qui a été faite de la part de Jérôme pour pour Leandro et Léana. Donc, il souhaite leur faire des gros bisous et il nous remercie aussi d'avoir tous été là ce matin. Au passage, donc, on lui fait des bisous. Et pour ça, nous allons écouter une musique de Georges Ferrat et Chris Ribeiro, A Filha Dela. Yeah. Et du coup, nous revoilà. On va parler du coup des questions que nous avons reçues. Je te laisse commencer, Philippe. Et oui, du coup, petite question de Elina. Est-ce que tu penses que l'aventure t'a permis de prendre confiance en toi ? Oui, totalement. C'est vrai que rien que le fait d'être pris en photo, quand on n'a pas l'habitude, ou en vidéo, au début, ça fait toujours un peu bizarre. Mais ça apprend surtout à s'accepter comme on est, tel qu'on est, et ça permet de forcément de prendre confiance en soi. J'étais pas forcément à la recherche d'une certaine confiance ou plus, mais oui, maintenant je suis beaucoup plus ouvert, beaucoup moins stressé aux photos, vidéos, pour parler, etc. Ça, c'est beaucoup plus facile. Oui. Alors, du coup, deuxième question. Alors, je reprends mes notes. Ou vas-y, Philippa, si t'as déjà. Du coup, question de Juliana. Quel conseil tu donnerais au prochain Mister Centre-Val de Loire ? Alors, c'est de bien faire attention à tout faire correctement avant d'aller à l'élection. de se donner à fond, parce que franchement, c'est voilà, faire attention à toutes ces choses-là, parce que je regrette de ne pas avoir été assez vigilant et d'avoir raté des points avant d'être parti, donc avant même d'avoir commencé. Même si au début on commence un peu en mode bon allez on y va au culot, on tente, au final quand c'est fini on se dit ah j'aurais quand même bien fait à fond, parce que c'est quand même quelque chose, on s'en rappelle toute sa vie, c'est qu'une fois dans la vie, hein. Faut le faire à fond. C'est vrai que c'est une belle aventure et c'est qu'une fois dans sa vie, et je pense que tu t'en rappelleras toute ta vie au final, hein. Ah oui c'est sûr, pour le coup je m'en rappellerai toute ma vie. Une autre question de Mélissa. Quelle a été ta réaction lorsque tu n'as pas été dans le top 15? J'ai pas été surpris, parce que je savais que j'avais des points de retard et que 5 points c'est énorme. Donc le fait de devoir commencer la semaine de préparation en n'ayant du coup pas fait les postes comme il fallait, je savais que j'avais énormément de chance de pas être dans le top 15. Donc, j'espérais, mais j'étais pas surpris. J'espérais y être, mais je savais que. Je t'ai mis à la tête, quoi. Voilà, je m'étais dit ils vont me mettre juste derrière histoire de montrer l'exemple. Non, mais je m'en doutais un petit peu. Mais en tout cas, c'est le parcours qui t'a permis d'être quand même un beau parcours que t'as fait. Oui, c'est vraiment quelque chose de top à faire. Donc, faut pas. Et au prochain Mister Centre-Val de Loire, qui n'hésite pas d'ailleurs, s'il y en a un qui se présente, à m'envoyer des questions ou un DM, je n'hésiterai pas à répondre, à donner des conseils aussi, parce que c'est important d'être accompagné là-dedans. Bah, c'est très gentil. Et dernière question de José, je te laisse. Qu'est-ce que tu retiens de ton aventure ? Ce que je retiens de mon aventure, c'est vraiment les connaissances que j'ai faites, les expériences que j'ai vécues, l'effet aussi qu'a le fait d'avoir l'écharpe, ça change tout. Donc ça, si ça fait, c'est un effet, on me l'avait dit, on m'a dit tu verras, l'écharpe, ça change tout, mais tant qu'on ne l'a pas et qu'on n'est pas dans la rue, on s'en rend pas compte. Et vraiment, ce que je retiens de l'aventure, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées qui étaient des personnes incroyables. Et ça fait vraiment plaisir. Quand on rentre, après, on prend une petite claque quand on revient. Voilà, on a du mal à redescendre de ce beau nuage, je pense. Ouais, c'est ça. Alors, content parce qu'on est fatigué, mais on rencontre tellement des personnes incroyables. On a eu la chance d'avoir plein de gens vraiment très intéressants qui nous ont parlé et j'aurais jamais rencontré si j'avais pas fait cette expérience-là. Oui, c'est sûr. Et donc, la suite de sa question, c'est de quoi es-tu le plus fier ? Ce que je suis le plus fier, je pense aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment défendu une cause qui me tenait à cœur. Sur la scène, donc toutes les associations qui aident les aidants, je pense que c'est ce dont je suis le plus fier aujourd'hui. Ok, très belle fierté en tout cas et très belle valeur que tu as défendue. C'est un très beau parcours que tu as pu faire et franchement, ça a été génial d'avoir un Mister Centre-Val de Loire qui a représenté notre région aussi joliment. Ouais. Et on espère que pour les prochaines années, le Centre-Val de Loire continuera à évoluer encore et encore et pourquoi pas ramener l'écharpe à la maison. Ça serait super ça. Et oui, une fierté. Hein. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et si tu avais un conseil à tous nous donner là maintenant, faites ce que vous avez envie de faire à fond, vous bridez pas et faut voir plus loin entre guillemets que le bout de son nez, faut pas se restreindre et faites tenter des expériences, rencontrer des gens, ça va vous ouvrir des portes incroyables, donc faut pas hésiter, faut pas avoir peur du regard des autres, surtout ça c'est très important, peur d'être jugé, faire ce que vous avez envie de faire quand vous avez envie de le faire. Et le faire à fond, parce que dès qu'on fait quelque chose à fond, ça finit toujours par payer un jour. Peu importe. C'est incroyable. C'est super beau à entendre, parce que c'est des choses qu'on ne se dit pas tous les jours, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait normaliser et se dire, et parce que souvent on a peur d'aller plus loin que ce qu'on pense pouvoir faire au final, et je pense que si on pouvait se permettre d'aller plus loin, et ben on arriverait à plus de choses. Toujours. Moi, c'est vrai que j'avais posé cette question à quelqu'un qui a vraiment réussi aujourd'hui dans le sport il y a longtemps et qui a vraiment réussi du coup par la suite, qui m'avait dit donne-toi à fond, peu importe ce que tu fais dans la vie, ça finira toujours par payer, il y aura toujours quelqu'un qui te remarquera, quelqu'un qui te comprendra. Oui. Parce que parfois on a l'impression de faire des mauvais choix, mais c'est juste les personnes autour de nous qui sont pas forcément sur la même longueur d'onde de ce qu'on fait. Donc il faut vraiment continuer, persévérer à fond dans tous les domaines, et voilà. Et oui. On finit avec de très jolis mots. Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire du coup après? Maintenant, ouais. Je pense que je vais continuer sûrement tout ce qui est photo, vidéo. J'aimerais bien me spécialiser dans la photo et vidéo dans le sport, principalement. Et donc avec deux trois contacts que j'ai maintenant pour faire des vidéos dans le sport ou des personnes un peu plus connues, même sur les réseaux dans le sport, pour voir faire de belles choses en 2025, ça serait super. Et continuer aussi en tant que Mister Centre-Val de Loire, bien évidemment. Tout à fait. Vous allez continuer à me voir avec les chars pendant un an encore, quelques mois. Voilà. Bah, si tu veux donner tes réseaux pour que les gens aillent te suivre et voir ton parcours après, tu peux. Bah, sur Instagram, du coup, Ben Garrigues, donc BENGA2RIGUEES. Voilà, pas hésiter si vous voulez même m'envoyer des messages pour me poser des questions sur les Mister ou sur comment faire ou sur les prochaines élections, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, si jamais vous ne vous souvenez pas de l'orthographe, allez sur notre compte Instagram, on l'a identifié. Du coup, vous pourrez directement le retrouver sur la publication identifiée. Voilà, et même on aura des petits retours du coup en image d'aujourd'hui grâce à notre vidéaste. Notre très cher vidéaste qui a filmé toute l'interview, donc on peut la remercier grandement. Ouais. On te remercie, même si tu ne m'entends pas d'ici, je pense, mais... Il te remercie. Mais voilà, en tout cas, on aura des belles images et on a passé un excellent moment. Donc, merci beaucoup. Eh ben, y a pas de souci. Merci à vous. C'était super gentil de m'avoir invité ce matin. Merci énormément d'avoir été là et d'avoir accepté la demande. Et du coup, je pense qu'on peut continuer la musique du défi qu'il a proposé. Du coup, j'avais demandé à Benjamin de nous trouver trois musiques. Une musique de l'été, une musique du moment et la musique qui le représente. Donc, je te laisse annoncer celle que tu veux en première. En première, on peut commencer par la musique du moment. D'accord. La musique du moment. Donc celle-ci. C'est celle-ci, c'est ça. Et après, musique de l'été. Et pour finir, la musique qui me représente, je pense que c'est... D'accord. Alors du coup, pour sa musique, qui le représente, c'est Better Now. Musique du moment. Donc c'est Better Now, si on le dit correctement. C'est ça, exactement. C'est une petite musique un peu fun que j'écoute en ce moment. C'est super sympa. Et ben on écoute. Without me, 'cause it seems like probably. Are you better now? This set you free. Are you better now? Yeah, are you better now? I guess you never fell in love. I guess you never fell in love. We'll be right back. bed now without me, 'cause it seems like probably. Avec Poesia de Sofiane Pamar, donc pour sa musique qui le représente. On va continuer avec la dernière musique pour la musique de l'été, donc Amiga d'Amouillard. Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é, mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim, ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou. E se eu der mole, ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é. Eu voilà, donc pour ce top 3, tu nous as pu nous faire découvrir trois musiques de ton registre, comme ça au moins. Que vous connaissez peut-être déjà. Bon, ça là, je pense qu'on la connaît. Oui, je pense que nous, Portugais, on connaît bien cette musique. Bon, en tout cas, je te remercie encore énormément pour être venu aujourd'hui et nous avoir partagé ce monde. Merci beaucoup d'avoir présenté du coup ton aventure, comment tu l'avais ressenti et aussi les conseils que tu as pu donner à la fin, qui, je pense que parfois on a besoin de l'entendre. Écoutez, merci à vous, c'était vraiment un plaisir de venir à Arc-en-Ciel aujourd'hui et au plaisir. Franchement. N'hésitez pas à revenir. C'était vraiment super. Plaisir qu'on te recontacte pour autre chose, pour revenir faire une interview si ça t'a plu. Hein. Pas de soucis. Pour le domaine du sport, zéro problème. Si on touche voulez. À tout. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et merci à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Plein les oreilles. Plein les yeux. Plein les oreilles. Quando os olhos se trocam é assim, fico fora de mim. Não dá para disfarçar este meu olhar, que só te quer a ti, só quero a ti. Mas eu não falo francês, vais ter que me ensinar. Por enquanto vou dizer o que te quero falar. preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir. Et oui, là vous écoutez du Capa Negra. Capa Negra qui sera présent très prochainement dans, les, dans la salle de Radio Arc-en-Ciel, donc l'espace Radio Arc-en-Ciel, à 266 rue Faubourg-Bannier à Fleury-les-Aubrais. Mmh. On vous attend très nombreux pour le 8 mars. Mmh. Donc pour venir faire une soirée paella, dansante et la femme. Eh oui. Ce sera ta soirée, Philippa.